Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 108. De la vengeance. Que, la vengeance qui provient de la charité est une vertu. Comment elle doit s'accomplir? Contre quelle personne? 1. La vengeance est-elle licite? On ne doit attendre de Dieu que ce qui est bon et licite. Or le Sauveur, après avoir dit qu'un juge inique fit justice à une femme qui l'avait importunée pendant longtemps, ajoute, « Et Dieu ne vengerait point ses élus qui crient vers lui jour et nuit. » Luc 18, 7. La vengeance consiste à infliger une peine à un coupable. Il faut, par conséquent, si l'on veut juger de sa licité, considérer la volonté de celui qui en est l'auteur. Veut-il principalement le mal qu'il fait subir, en sorte que son intention s'y arrête comme dans son dernier terme? La vengeance est illicite, se réjouir du mal des autres est le propre de la haine, sentiment contraire à la charité qui aime tous les hommes. Vainement se croirait-il excusé par le mal qu'il a enduré lui-même, il ne nous est pas permis de haïr celui qui nous hait, nul ne doit pécher contre son frère, parce que son frère a péché contre lui, ce serait se laisser vaincre par le mal, ce que saint Paul nous défend, en disant, ne soyez pas vaincus par le mal, vainquez le mal par le bien. Romains 12, 21. L'auteur de la vengeance a-t-il principalement pour but l'un des biens que l'on obtient par les punitions, la répression des malfaiteurs, le repos des gens de bien, le maintien de la justice ou la gloire de Dieu? La vengeance peut être licite. Note. Il est vrai, le Seigneur a dit, à moi la vengeance, et je l'accomplirai. Deutéronome 32, 35. Mais exercer la vengeance contre les méchants, selon le degré de pouvoir que l'on tient de sa position sociale, ce n'est pas usurper ce qui appartient à Dieu, c'est user de la puissance qu'on en a reçue. Saint Paul a dit du prince temporel, il est le ministre de Dieu, pour exécuter la vengeance divine contre celui qui fait le mal. Romains 13, 4. Quoique les bons supportent avec patience, autant qu'il le faut, leurs injures personnelles, ils ne souffrent pas celles qui blessent les droits de Dieu ou du prochain. Il est louable, dit saint Chrysostome, d'accepter patiemment les injures que l'on reçoit soi-même, mais tolérer celles qui sont faites à Dieu, c'est une impiété. Observons que l'outrage adressé à un homme retombe parfois sur Dieu et sur l'Église, et que l'on doit alors venger son propre affront. Et il y fit descendre le feu du ciel sur les soldats qui venaient pour s'emparer de sa personne. 4. Rois 1, 12. Élisée maudit les enfants qui se moquaient de lui. Ibidem 11, 23. Fin de la note. 2. La vengeance est-elle une vertu spéciale, distincte des autres? À chacune de nos inclinations naturelles correspond une vertu spécialement chargée d'en perfectionner les actes, or nous repoussons par nature toutes les choses nuisibles, puisque, outre la puissance concupiscible, tous les êtres animés ont la puissance irascible. Nous ne repoussons pas seulement les injures qui nous menacent, nous punissons celles qui nous ont éteints, non dans l'intention de nuire à autrui, mais pour éloigner le mal de nous. De tels actes appartiennent évidemment à la vengeance, qui, comme Cicéron le dit, consiste à repousser, par la défense ou par le châtiment, les violences, les injures et les ignominies. D'après ces principes, la vengeance est une vertu spéciale, distincte des autres. Note. La vertu de la vengeance a pour racine le zèle de la charité. L'homme embrasé de l'amour divin regarde comme sienne l'injure faite à Dieu et au prochain. Quand l'arbre n'est pas enraciné dans la charité, disait saint Grégoire, les rameaux ne sauraient produire de bons fruits. Deux vices lui sont contraires, la cruauté et l'insouciance, elle nous apprend à garder une juste mesure dans la répression des méchants. On est surpris, au premier abord, de voir saint Thomas placer au nombre des vertus unies à la justice la vengeance, que nous sommes accoutumés à regarder comme un vice. Il est cependant certain que nous avons une inclination naturelle à repousser ce qui nous nuit, et que cette inclination a besoin d'être dirigée par une vertu, à laquelle il faut nécessairement donner un nom. On n'ignore pas qu'il y a dans la société des personnes, revêtues de dignité, dont le devoir est de venger les bons de la malice des méchants. Dieu lui-même a voulu être appelé le Dieu des vengeances, et saint Paul nous apprend que le prince est le ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance contre celui qui fait le mal. Romains 13, 4. On dit d'un magistrat qu'il est chargé de la vengeance publique. Pourquoi ne pas appeler vertu de la vengeance l'habitude qui dirige les hommes, conformément à la raison, dans la punition des malfaiteurs? L'usage a prévalu, nous le savons, d'appeler vengeance la punition exercée par celui qui n'a aucune autorité, et pour une satisfaction personnelle. Mais saint Thomas, qui ne pouvait pas prévoir les acceptions des langues futures, prend les mots dans le meilleur sens, et, après les avoir définis, il les fait servir à l'explication de la doctrine du Christ. Il suffit de relire le premier article de cette question pour se convaincre qu'il savait parfaitement distinguer le vice de la vertu. Ce qu'il a dit ailleurs sur la colère, considérée comme passion, nous a préparé à comprendre les vérités qu'il nous enseigne sur la vertu de la vengeance. Les principes qu'il établit ici doivent servir de règle au père de famille, au chef de la société, et généralement à tous les supérieurs tenus, par devoir, de punir le mal. Fin de la note. 3. La vengeance doit-elle employer les peines usitées parmi les hommes? Les peines qui sont d'un usage général dans les sociétés humaines sont justifiées par la loi divine et par la raison. Pour réprimer et contenir les vices, la vengeance doit employer contre les méchants, qui n'ont pas l'amour de la vertu, la privation de certains biens plus aimés d'eux que ceux qu'ils se procurent par le crime. Si on ne leur ôtait que des biens d'un moindre prix, la crainte n'imposerait pas silence à leur passion. Or les biens les plus aimés de tous les hommes sont la vie, l'intégrité du corps, la liberté, les richesses, la patrie et la gloire. C'est pourquoi, comme le dit saint Augustin d'après Cicéron, les lois peuvent décerner 8 sortes de peines, la mort, les coups, le talion, la servitude, l'emprisonnement, l'amende, l'exil et l'infamie. Note. Quelqu'un dira peut-être qu'il n'est pas permis de mettre un homme à mort, puisque le Seigneur a défendu d'arracher l'ivraie. Le Seigneur a défendu d'arracher l'ivraie, quand il y a lieu de craindre de détruire le froment. Or on peut souvent écarter les malfaiteurs par la peine de mort, non seulement sans nuire aux gens de bien, mais en procurant leur salut. Toutefois, les punitions de cette vie étant avant tout médicinales, on ne doit infliger une telle peine que pour des crimes qui portent un grave préjudice à la société. Fin de la note. 4. La vengeance inflige-t-elle des peines à ceux qui ont fait le mal involontairement? Il y a des peines de deux sortes, les peines proprement dites, et les peines médicinales. Les peines proprement dites ne peuvent être décernées que pour des fautes volontaires, mais les peines médicinales, destiné non seulement à expier les péchés passés, mais encore à prémunir contre les péchés futurs et à faire avancer dans le bien, peuvent être appliquées sans avoir été méritées par une faute volontaire, bien qu'elles ne puissent pas être infligées sans une cause légitime. Toutefois, comme le médecin du corps ne nous prive pas des yeux pour sauver nos pieds, ainsi les peines médicinales ne doivent pas nous enlever un bien supérieur pour nous donner un bien inférieur. Elles peuvent seulement nous porter préjudice dans des biens moindres, pour nous en procurer de plus précieux. En conséquence, les biens temporels nous sont parfois retirés sans aucun péché de notre part, comme on le voit par les mots que Dieu, pour nous humilier ou pour nous éprouver, nous envoie dans cette vie. Mais les biens spirituels ne nous sont jamais ôtés sans que nous en ayons mérité la privation par quelque faute. Ainsi donc, les peines proprement dites ne sont infligées que pour une faute volontaire, et les peines médicinales sont parfois décernées contre des personnes innocentes. Note. Il peut arriver qu'on soit puni d'une peine temporelle pour le péché d'un autre. La nation juive porta la peine du péché que David commit dans le dénombrement de son royaume. Dieu veut nous marquer, par ces sortes de punitions, l'unité de la société humaine et le soin que nous devons mettre à empêcher les péchés d'autrui. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.